Avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise. Il y a quelqu'un. Salut. Pourquoi t'es venu ici? Tout va bien. Alors il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoûté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission. Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qu'il fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Mais il n'y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission. Fadjet. L'émission. Que la fête commence, les amis. Il est 19h passé de 2 petites minutes et comme chaque vendredi, vous avez votre rendez-vous de Ça ira mieux demain. Pendant une demi-heure, on va passer en revue les actualités des séries sur les plateformes. Alors, si je regarde mon listing, aujourd'hui, on va se diriger du côté de Disney+, de Apple TV, de Netflix, et on parlera de She-Hulk, de Lupin, de quelle autre série? Lupin et Emily in Paris. Voilà, je savais bien qu'il y avait une autre série sur cette info-là, et je vous mettrai en avant à un moment donné Criminal Record, on y reparlera dans un instant. Mais pour le moment, comme tout bon numéro de Ça ira mieux demain, c'est le moment de découvrir le coup de cœur de Manon. Et comme souvent, vous connaissez un peu le principe de cette émission, c'est que le coup de cœur de Manon, c'est pas du tout le coup de cœur de Manon. Hein. Manon, elle a autre chose à faire. Manon, elle prépare le Manon série cuise, elle vit sa vie. Et donc, le coup de cœur de Manon, c'est un peu le coup de cœur de Benoît. Et donc là, le coup de cœur de Manon, c'est un peu, cette fois-ci, le coup de cœur de Laurent. Ça s'appelle Miracle. Et c'est Calvin Harris qui nous interprète ce titre. Et là, je lance un message à Benoît. Et oui, j'aurais pu proposer du Tom Anders. Eh bien non. Le coup de cœur de Manon, c'est ça. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. C'était le coup de cœur de Manon qui, comme à chaque fois, n'est pas le coup de cœur de Manon. Et dans quelques instants, ce sera le coup de cœur de Laurent qui, pour le coup, sera le coup de cœur de Laurent. Voilà, si vous avez tout compris, c'est très bien. Moi, voilà, je ne sais pas si ça vous fait sourire, si ça vous fait rire, mais moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Tout de suite, dans Ça ira mieux demain, on s'arrête sur la première info de cette semaine. Le tournage d'Emily in Paris, la série à succès de Netflix, a enfin débuté après un long retard suite à la grève qui a paralysé Hollywood l'année dernière. Ce mouvement des scénaristes et des acteurs qui a duré 6 mois est l'une des raisons pour lesquelles la plateforme américaine a proposé moins de contenu en 2023. L'industrie du divertissement était à l'arrêt, donc les plateformes n'ont pas pu grossir leur catalogue autant qu'elles le prévoyaient. L'année 2024 sera encore plus calme, car les effets de la grève se feront véritablement ressentir dans quelques mois. Réduction du nombre de films, augmentation des investissements, ça c'est les gros titres, c'est assez surprenant. Et pour rentrer dans le détail de ce qui suit, la question se pose avec cette stratégie, Netflix cherche-t-elle à réaliser des économies ? La réponse est non, car Netflix se rend compte que même quand elle sort moins de choses, moins de films, de séries, les abonnés ne partent pas, mais ils sont plus nombreux. La hausse des abonnés a été de 9 millions au troisième trimestre 2023, pour atteindre un total de 247 millions à travers le monde. Les consommateurs ne se sont même pas aperçus du coup de frein, et pour cause, quand on a accès à 40 000 heures de programme, on n'est pas en manque de choix. La plateforme a donc décidé de ne plus autant produire. Désormais, elle ne mettra en ligne que 25 à 30 films faits maison par an, ce qui est déjà pas mal, hein. Jusqu'à présent, c'était une cinquantaine. Cette décision n'est en effet pas prise pour des raisons financières. Netflix investit 17 milliards de dollars cette année, investi 17 milliards contre 13 en 2023. L'entreprise ne veut pas dépenser moins, elle veut dépenser mieux. Les films et les séries auront davantage de budget, ce qui vise à améliorer leur qualité. Une philosophie à contre-courant des autres plateformes, style Disney+, Paramount, Apple TV et compagnie. Disney+, a signalé, mettra ainsi 2 milliards d'euros de moins dans ses contenus par rapport à l'année dernière, ce qui représente tout de même une enveloppe de 25 milliards de dollars, mais la marque est déficitaire. Donc on peut comprendre qu'il tente de réduire la voilure. Côté financier, c'est assez compliqué pour Disney+. Donc quand on voit cette info, quand on rentre dans le détail, qu'on fait le listing, et que de l'autre côté, on voit que en France, notamment TF1+, se dit, voilà, on veut être au niveau des grandes plateformes. Quand on voit l'argent qui est mis en place, notamment par Netflix, on se dit que pour TF1+, ça risque d'être compliqué quand même. Et puisqu'on est du côté de Netflix, une série française est entrée dans le top 10 des séries non anglophones les plus vues de tous les temps. Moi, j'ai l'impression avec cette série-là qu'elle rentre dans tous les classements. Régulièrement, tous les 2-3 mois, on a un classement qui apparaît. On nous dit « cette série française rentre dans le classement ». C'est vraiment un record des records, cette série. La série française Lupin est désormais rentrée dans le top 10 des séries non anglophones les plus vues de tous les temps sur Netflix. La première saison de la série arrive même à la troisième place du classement, derrière la série coréenne Squid Game. Et la série espagnole La Casa de Papel. Les deux autres saisons, ou plutôt les parties 2 et 3, apparaissent également dans le classement, respectivement à la 6e et à la 10e place. La série portée par Omar Sy cartonne dans le monde entier. Mise en ligne sur la plateforme à partir du 5 octobre 2023, la troisième partie s'est hissée en tête du classement des fictions non anglophones les plus regardées dans le monde dès la première semaine, avec plus de 11 millions de visionnages. Alors, on se pose une question, une saison 4 à venir, lancée en 2021, la série réimagine les aventures d'Arsène Lupin. Omar Sy incarne Hassan Diop, traumatisé dans sa jeunesse par la mort de son père, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. S'inspirant des aventures du gentleman cambrioleur, il organise des braquages pacifistes et spectaculaires, dont le but premier est de venger son père, dans un enchaînement de rebondissements, ce Lupin des temps modernes va se voir obligé de fuir la police en employant des subterfuges les plus malins les uns que les autres. C'est véritablement un carton dans le monde entier, cette série. Et alors, la série en elle-même, elle a son intérêt, mais je pense que derrière, c'est vraiment Omar Sy qui porte la série. Sans lui, je ne sais pas si le succès serait aussi fort. Alors, si vous êtes fan, on peut espérer encore une suite, une quatrième partie à ces aventures dans de nouveaux épisodes. En tout cas, pour le moment, c'est véritablement un carton, un succès dans le monde entier. Et avant d'accéder aux prochaines infos, on parle d'une série qui va devenir une légende peut-être. Eh bien là, on retrouve les Sound of Legend avec Some Kind of Kiss. Vous avez vu, en anglais, ça s'améliore toujours pas. Ça ira mieux demain, j'ai failli donner le titre d'une autre émission. Tout de suite dans Ça ira mieux demain, on va s'arrêter sur un phénomène. C'est en train de prendre de l'ampleur et c'est assez étonnant. Juste pour moi, le temps de vous signaler que pour que ça soit vraiment une émission de Benoît, dans quelques instants, on aura Kenji et Vianney. Alors, vous savez, ma passion pour Vianney, j'ai une pensée pour Benoît. Dans quelques instants, la pause musicale, ce sera le feu. Mais pour le moment, je voudrais m'arrêter sur cette info que j'ai découvert cette semaine. Près de 8 touristes étrangers sur 10 ont eu envie de visiter Paris après avoir regardé une fiction tournée dans la capitale française, soit 6 points de plus qu'en 2018, constate la deuxième étude du Centre National de la Cinématographie. Alors c'est assez étonnant, pour un sondé sur 10, c'est même l'élément déclencheur et la raison principale de leur venue en France. Dans la moitié des cas, les séries de la plateforme américaine Netflix, notamment avec Emily in Paris ou Lupin, ont à elles seules motivé les curieux sélectionnés parmi les 6 nationalités les plus représentées dans la capitale. Alors, parmi les sondés, 38% ont cité Emily in Paris et 11% Lupin. Menée avec le groupe IFOP, cette étude vient confirmer, d'après le CNC, l'augmentation du cinétourisme à Paris et en France, qui consiste à aller découvrir la ville ou le lieu de tournage d'une fiction. Si ce phénomène n'est pas nouveau, il s'est largement amplifié depuis 2018 en parallèle de l'explosion des plateformes de streaming, explique Cécile Lacou, directrice des études du CNC, contactée par l'AFP. Pour elle, il s'agit d'un levier très intéressant pour développer le tourisme et booster la notoriété des villes. Moi, il y a un souvenir qui me vient tout de suite en lisant cet article, cet intéressant article. Est-ce que je peux retrouver la journaliste ? J'aime bien citer les journalistes qui nous proposent. C'est le journaliste, il s'appelle Tom Lefebvre. Moi, il y a un souvenir qui me revient, c'est... Alors, on quitte les séries, c'est du côté des films, du côté de Harry Potter, pas mal de fans se déplacent, ou même Game of Thrones se déplace pour aller retrouver les décors de leurs films, et pourquoi pas du côté des séries. Moi, j'ai toujours un problème avec mon téléphone. Comme je suis tout seul, il reconnaît ma voix et il veut me parler. Donc, on poursuit cet article très intéressant. Alors, si ce phénomène n'est pas nouveau, ça je l'ai dit, il s'est largement amplifié. Et donc, du côté de Paris, à Paris, un touriste étranger sur deux a regardé Lupin, blockbuster français avec Omar Sy dans le rôle principal. On vient d'en parler. Emily in Paris, on revient ensuite Emily in Paris sur les péripéties d'une jeune américaine dans le milieu du luxe parisien, visionné par 44% des sondés. Un visionnage facilité par les plateformes audiovisuelles, devenu le premier moyen d'accès aux fictions françaises pour les touristes étrangers, loin devant la télévision et le cinéma. Ainsi, 41% des voyageurs interrogés ont regardé la comédie dramatique Intouchable et 37% le fantasmagorique Fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et oui, même ce film, qui quand même commence à avoir de la bouteille, ce film est toujours cité et toujours adoré. Mais les blockbusters américains, Da Vinci Code, Mission Impossible Fallout ou Le Diable s'habille en Prada, localisés en partie à Paris, devancent toujours de peu les longs métrages français. Le cinétourisme concerne aussi les Français. 22% des sondés disent avoir voyagé dans l'Hexagone après avoir regardé une fiction française comme Bienvenue chez les Ch'tis, inoubliable, ou Plus belle la vie. Des comportements qui peuvent favoriser le surtourisme très ciblé et lié à des effets de buzz, note Cécile Lacou. Déjà existant dans la station balnéaire normande d'Étretat, le phénomène s'est accru avec la série Lupin où la série a été en partie tournée. En été, 10 000 touristes affluent chaque jour dans cette ville de 1200 habitants. Alors dans cet article, il manque quelque chose. Et là, si je ne le dis pas, je risque de me faire taper sur les doigts dans la semaine. On ne parle pas de « Demain nous appartient » et de « Ici tout commence ». C'est vrai que ces deux séries-là ont vraiment boosté le tourisme du côté de Sète. C'est ce qui nous a permis, ça m'a permis à moi de sortir une vanne. Il faut surtout pas aller en vacances à Sète au vu des drames qui peuvent se dérouler au sein notamment de Demain nous appartient. Dans quelques instants, donc là on a parlé de pas mal de Netflix, hein. On va s'arrêter sur Apple TV avec une série qui s'appelle Criminal Records. Et cette série-là va me permettre de remettre en avant une actrice excellentissime qui s'appelle Kush Jumbo. Je l'ai appréciée du côté d'une série, je vais retrouver le titre, je ne veux pas dire de bêtises, mais d'une série dérivée. Et là, elle arrive dans cette nouvelle série. À mon avis, ça vaut le détour. On en reparle tout de suite après le nouveau tube de Kenji, accompagné par Vianney. Ça s'appelle Le Feu et c'est excellent. La última vez, Loquilla, vamos. J'ai pas les mots pour éponger ta peine. J'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte. J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte. Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh pourquoi? dis-moi pourquoi. Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Enfant de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh pour toi, rien que pour toi. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne l'averse, je protège les braises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu. Le feu. No puedo luchar contra el viento y contener lo que yo siento. Quiero que sepa mi deseo. No puedo mover las nubes, pero puedo ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme. Guerra solitaria, pensativa. Yo te pensé fuerte y no entendía. Oh, ¿por qué? Dime por qué. Toma mi corazón, toda mi canción. Cuando hará frío, ha hecho un fuego ardiente, ardiente. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne l'averse, je protège les braises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises. De moi-même, et que vienne l'averse, je protège les braises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière, et que tombe la neige, je protège les braises. Je Vous êtes toujours à l'écoute de Fadjet, c'est Ça ira mieux demain, et là on accède au palais. Bienvenue au palais. Et pour le palais de cette semaine, je vous propose de découvrir sur Apple TV une nouvelle série qui s'appelle Criminal Record. Et ça nous permet de retrouver l'excellentissime actrice que... Cush Jumbo. Alors, je l'ai découvert dans la dernière saison de The Good Wife, et lorsque les créateurs de The Good Wife décident de lancer The Good Fight, la série dérivée, elle est automatiquement reconduite dans cette série, et c'est vrai qu'elle fait partie de ces actrices qui ne jouent elle ne joue pas. Elles sont. Elle était son personnage. À aucun moment vous vous disiez c'est un jeu, c'est un personnage. Non, elle était le personnage. Elle vivait son personnage. Elle est vraiment excellente. Et là, dans Criminal Record, elle joue aux côtés de Peter Capaldi. Peter Capaldi, inoubliable notamment Doctor Who. Alors, Criminal Record, ça raconte quoi ? Une erreur judiciaire à Londres. 10 ans après la mise en prison d'un homme noir, une jeune policière, affectée aux affaires familiales par ses supérieurs en raison de sa sensibilité féminine, découvre par hasard que cet homme pourrait bien ne pas être coupable. Elle part en référé à l'ancien policier qui a mené l'enquête et se voit mal reçue, le tout dans un Londres sombre, nimbé d'une musique planante. C'est un thriller à la fois contemporain et politique, on nous le présente comme ça, que ce Criminal Records, cette nouvelle série disponible sur Apple TV, nous propose. Cush Jumbo, l'actrice britannique de la série The Good Wife et The Good Fight, je tiens à préciser aussi, est impeccable dans le rôle de cette jeune policière maltraitée par sa hiérarchie. Et Peter Capaldi, qu'on ne présente plus, qui incarne brillamment Dr. Who, enfin qui a incarné brillamment Dr. Who pendant plusieurs saisons, est parfait dans le rôle du vieux policier antipathique, presque à la retraite, qui n'aime pas qu'on fouille dans ses affaires. Un rôle qui lui a plu aussi, il a notamment déclaré « ça m'excitait de jouer ce personnage qui devait être assez secret ». Vous savez, généralement, on vous propose des rôles où vous passez votre temps à envoyer des messages au public, mais là, ce personnage, c'est l'inverse. Il se cache tout le temps. Un personnage de policier aussi écrit sur mesure pour lui par les auteurs et la productrice Helen Collins et l'auteur Paul Ruttmann. Il voulait faire une série à propos des aveux. Ça fascinait Helen, tous ces gens qui avouaient un crime puis se rétractaient. Elle voulait comprendre pourquoi. Elle a lu beaucoup d'histoires vraies sur ce sujet et en commençant à écrire la série avec l'auteur, ils se sont dit qu'il y aurait deux détectives impliqués et que l'un d'entre eux devrait être plus âgé. Celui qui a avoué un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis, voilà, est incarné par le comédien britannique Tom Mucci. Il a pris ce personnage très à cœur et lui, il a déclaré « Ce qui m'a plu, c'est l'opportunité de jouer un personnage comme j'en ai connu ». Vous savez, j'ai grandi dans le sud de Londres, où la criminalité est très dense. J'ai des amis qui ont été incarcérés à raison, mais aussi alors qu'ils étaient innocents. Je connais les deux faces et j'ai vu l'effet que cela a eu sur les familles, les amis et moi-même. Alors, ça s'appelle Criminal Records, c'est disponible sur Apple TV, on a 8 épisodes à regarder. Alors, voilà, si vous êtes fan de Peter Capaldi, bah pourquoi pas découvrir cette nouvelle série. Et si, comme moi, vous adorez Cush Jumbo, eh bien, voilà, c'est une nouvelle série à découvrir sur cette plateforme. Et avant d'en arriver à une petite dernière, est-ce qu'on aurait le temps d'une petite dernière info avant de se quitter? Je regarde mon conducteur. Ah non, j'ai zappé ma page. Ah voilà, je la retrouve. Donc la dernière info que je voulais vous donner avant qu'on se quitte avec les Offenbach. Non, mais moi, je refuse tout. Hein. Voilà, alors une mauvaise nouvelle. On termine avec une mauvaise nouvelle. Si, comme Benoît, vous avez apprécié la première saison de She-Hulk, sachez, alors la version féminine de Hulk, sachez qu'apparemment, Disney a dit non. La série Marvel, diffusée sur Disney+, en fin d'année 2022, ne devrait pas revenir pour une saison 2, a annoncé l'actrice Tatiana Maslany, qui interprète la super-héroïne. Une des pires productions proposées par Marvel Studios depuis la création du MCU, voilà la conclusion de la critique de certains journalistes sur la série. Eh bien, peut-être que ces gens ont eu gain de cause, puisque apparemment, du côté de la saison 2, eh bien, c'est plutôt cuit. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté des infos des plateformes. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine à l'écoute des programmes de Fadjet. Et on se retrouve tous ensemble vendredi prochain pour un nouveau numéro de Destination Série suivi de Ça ira mieux demain. Dans quelques instants, dans une petite demi-heure, vous aurez le Hot 40 piloté par Benoît. Passez un bon week-end et j'espère que ces deux émissions vous ont diverti. À la semaine prochaine. N'oubliez pas, vous pouvez tout retrouver sur samedi.fr. Je vous embrasse très fort. À vendredi prochain et on se quitte, comme je l'ai dit, avec les Offenbach. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love, I wanna go into overdrive.